Je vais te faire une conclusion vite faite là, pour ton montage. Parfait, vas-y. Donc, pour faire une victoire. Pendant longtemps, je me suis dit, ben, s'il y a des affaires valables là-dedans, c'était intéressant, je vais les étudier de la même façon que j'ai étudié tout le reste. Parce que depuis que j'avais 6-7 ans, j'avais des intérêts pour. Tu sais, je veux dire, la mère à mon père, elle parlait rien que d'entité et d'affaires de même. Puis moi, ben, j'avais un esprit scientifique, je voulais savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Fait que bon, pendant longtemps, j'ai dit, je vais étudier Bernard comme j'ai étudié tout le reste. Puis je vais expérimenter ce qu'il parle. Puis je l'ai fait. Mais là, rendu là où je suis, moi, ça peut pas rester à ça, je veux dire, je peux pas m'identifier juste à ça. C'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que Mais c'est ça. Puis sûr que la même. conscience est plus vaste que ça. Mais c'est parce que Bernard, il y a des aspects qu'à un moment donné, il va falloir en revenir. Ben oui, mais moi, je suis pas un Christ de disciple de Fait Bernard, là. Il y a des gens qui m'ont que. insulté Mais. dans le passé, qui me pensaient, ils disaient, regarde, toi avec tes invités, vous êtes juste une gang de Christ de disciples, puis tu tiens de Mais poche. c'est parce qu'ils n'ont Non. rien compris, ça. Mais non. Rien compris. Tu sais, si moi je pourrais varger sur elle, les aspects, je trouve qu'ils n'ont pas d'allure. D'ailleurs, au moins Bernard, il y a des aspects que bon. Ah, ben, en tout cas. Ben, il reste que, tu sais, je voulais faire un travail par rapport à ça. Parce qu'il y a personne qui, il y a certains aspects que c'est méconnu. Il y a d'autres affaires qu'il y a eu avant Bernard. Bernard, il y a des affaires. Il y a un pré-Bernard. C'est personne pas au courant. Je veux dire, il y Ben, a un paquet d'aspects au niveau sociologique. c'est pas très compliqué. Bernard a été influencé. Il y avait la cosmogonie d'Urantia, Rudolf Steiner, la théosophie, Madame Blavatsky. Donc, Et ça. il est en lien avec un foyer d'influence culturelle, comme les Mais différents êtres humains. là où c'est le fun, c'est que c'est des affaires que je connaissais avant même Bernard. Même si ça a tout été dans mon entourage familial que ça parlait de Bernard, là, mais je le prenais moi. Mais il reste que, ben, m'a regardé tout ça. On va regarder tout ça. Comment que ça s'est ramassé au Québec? Comment ça se fait? Puis à quoi ça a servi? Puis comment ça se fait? Il y a même des sectes américaines très connues que ils ont servi à faire des opérations liées à des agences, puis Ben même en oui, Europe. Et la CIA, des opérations sous faux drapeau, puis c'est tout le temps lié. Toutes les affaires de groupes initiatiques ou de connaissances secrètes ou de groupes occultes, ou de. Il y a tout le temps un aspect politique. Il y a tout le temps des aspects cachés qui n'ont rien à voir avec le surnaturel. C'est tellement naturel que c'en est choquant. C'est surtout ça que je veux aborder, moi, que je veux le défaire. Au moins qu'il y ait du monde au Québec qui dise, ben, ça, c'est des affaires qui viennent des États-Unis, puis ça n'a pas rapport. Ça, c'est des affaires qui viennent d'Europe, puis de tel pays, puis ça n'a pas rapport. Il y a quelqu'un qui l'a démontré, tu sais, bon, parce que moi, je veux m'attacher à ce que je peux démontrer. C'est surtout ça, là, parce que mon opinion, dans le fond, c'est ça, c'est rien qu'un condiment, là, à côté, c'est pas si important que ça. Mais il reste qu'il y a des faits. Il y a des faits. Puis Bernard, il y a des affaires qu'il a dit, il était tellement dans le champ que c'en est comique. Il y a des affaires qu'il croyait, c'est tellement grotesque, puis faux que c'en est comique. Puis j'ai l'intention de m'attarder à ça. Mais pas juste Bernard, je veux dire, c'est un paquet de monde, c'est plein au Québec. On est plein. On en a plein des Bernards. Il y en a toutes les sortes. Il y en a même qui ont des domaines, ça vaut des millions. Et on est, c'est même pas dans les journaux, c'est nulle part. Personne n'est au courant. Dans le fond, y a des gens qui, ben comme je pense à toi, qu'à un moment donné, tu avais dans une vidéo détruit le livre La Genèse du réel, il y en a qui ont interprété ça comme étant une forme de sacrilège. Ça, c'est leur problème. Dans le fond, c'est parce que, à un moment donné, justement, la démarche était tellement pas compliquée, j'étais plus capable d'être qualifié de comme si j'étais suivi de Bernard. Ça n'a jamais été le cas. Je l'ai depuis que je suis petit. Tu sais, c'est pas parce que j'ai appris à apprécier des aspects que j'étais en admiration en avant comme si c'était la science infuse. Au contraire. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ça va faire. C'est comme des reliques, c'est comme des. Bon, on va faire un sacrilège, dans le fond, c'était voulu. Mais c'est ça que ça prend. Pour que les gens se Puis, réveillent. j'ai pas perdu mon intuition, j'ai pas perdu ma finesse, j'ai pas perdu, Ta tu sais, je veux conscience. dire, je me suis pas coupé de ma sensibilité, et je suis pas devenu vide, qu'il y a plus rien qui passe. Le monde, ils ont peur. Il y en a qui pensent que s'ils font ce que j'ai fait avec Bernard, ils vont se couper de leur contact. Ils vont défusionner avec le double. Ils ont peur. C'est là que tu vois que c'est pas. Ben, ils sont Il y a. pris que la forme, ils sont pas libres de la forme. Ben, Parce il y a quoi que. qui marche pas? C'est une étape nécessaire. C'est une étape nécessaire. Même Bernard, il est sûr qu'il serait d'accord. Ben, À un parce que moment donné, il va Bernard, falloir en il finir. proposait de se libérer du mémoriel. Ben, Donc, là, c'est parce qu'il en fait partie, là. ben, c'est ça l'ironie du sort. C'est que celui qui initiait le mouvement de la libération du mémoriel, il y a des gens qui en ont fait des livres puis des structures qui sont liées au passé, un peu comme les gens qui sont liés à des saintes écritures. Ben, tu sais, s'il y a des scènes d'écriture qui disent de conserver la parole, je trouve ça logique de la conserver. Mais là, conserver de la mémoire de quelqu'un qui dit, quand vous aurez compris, vous m'écouterez plus. Puis, à un moment donné, il va falloir, moi tout, qu'on en revienne. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps ce discours-là. Ouais. À un moment donné, il faut être logique. Fait que, c'est ça, je veux dire. C'est parce que, il y a aussi le fait qu'en m'en allant, j'ai voulu voir en laissant vide ce qui allait se passer. Parce qu'il y en a qui disaient je vais te surpasser, puis il y en a d'autres, ça y a pas assez de feu dans la parole, puis même si c'était sous pseudonyme, puis discrètement, je savais que c'était moi quand je les écrivais. Je lui disais, OK, moi je demande juste à voir ça. Je suis un peu déçu. Ah Ben non, ben je suis pas surpris. ouais. Ben, je le sais que c'est ça qui allait arriver. Là, les deux. Si le public a des suggestions de sujets, puis il n'y a personne qui répondait, il n'y a personne qui écrivait rien, leur public, il passe autant de stock que ça. Il n'y avait rien, fait que là, ils n'ont pas de sujet. Tu as besoin de suggestions de sujets? Moi, ça continue, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me force à m'arrêter à certains sujets. Ben, c'est justement la raison pour laquelle je vais arrêter l'enregistrement à De présent, toute façon, parce que tu as un il faut que discours je m'accouche. fleuve, mais on peut laisser les gens qui nous écoutent, dans le fond, que cet enregistrement qui dure plus de 4 h 30, en leur disant que tu es, dans le fond, suite à l'accompagnement que tu as fait par rapport à ta mère qui est décédée il y a quelque temps, que tu es dans un changement de vie où ce que l'eau. Dans ta parole, tu cherches plus à déplaire par rapport à ta mère. Donc, c'est très prometteur pour ton avenir en tant que communicateur, dans le sens que peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu vas être propulsé à un autre niveau de palier de parole que tu n'avais pas atteint dans le passé. Ben oui, peut-être que je vais me ramasser vraiment en danger. Peut-être que je vais avoir des problèmes, je ne sais pas. Mais je pense pas, tu sais, je Ça vais va pas être courir. un dossier à suivre. Donc, pour les gens qui nous écoutent, vous pourrez chercher sur YouTube tout simplement Berthold. Oh, c'est la chaîne la moins. J'ai quasiment pas d'abonnés. Ben là, il va en avoir sans doute drôler une grande quantité qui vont apparaître. C'est sûr que ça a été mieux si je l'aurais annoncé en début d'enregistrement, parce que peut-être des gens qui, en cours de route, vont avoir décroché, comme on dit, après plusieurs heures d'écoute. Mais quoi qu'il en soit, mieux vaut tard que jamais. Mais si on en refait un autre enregistrement dans quelques semaines, ben on pourra l'annoncer au début. Comme ça, ça va pouvoir t'amener un public là, plus rapidement que les gens qui vont te découvrir par hasard, là, comme on dit, là, entre guillemets. Ouais. Bon, ben c'est bien correct. Donc, excellent. Donc, je te remercie pour cet enregistrement et je te dis à bientôt. À bientôt.